On est au moment où, oui, ça s'est bien chanté, la guitare elle était super. L'autre, qu'est-ce que t'en penses de 120? Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 20 novembre, il y a toujours des barrages plus ou moins filtrants dans les Vosges. Prenez vos dispositions, hein. Partez un petit peu plus tôt, je sais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais bon, c'est le seul moyen pour espérer arriver à l'heure au travail pour le moment. Allez, aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête au Edmond. Ça vient du germanique riche protecteur. Edmond est un homme qui, sous des allures souvent un peu rudes et virules, dissimule avec plus ou moins de bonheur une émotivité particulièrement vive, doublée d'une hypersensibilité. Avec le 19 comme nombre actif, Edmond n'est pas l'homme des demi-mesures, tant en ce qui concerne son caractère, qu'il aime afficher trempé, viril, courageux, combatif, que son destin, qui peut être une superbe réussite ou un échec cuisant. Ses qualités deviennent vite des défaut, autoritaire, orgueilleux, impatient, impulsif, téméraire, il est capable de foncer sans forcément avoir pris le temps de la réflexion. Par ailleurs, il est souvent tendu, ce qui peut se traduire par des explosions entre guillemets, dans lesquels les mots peuvent dépasser sa pensée. Si Edmond a un côté tout ou rien, c'est sans doute aussi parce que sa personnalité est un peu écartelée entre la tendance émotive, fragile, craintive, sinon peureuse, influençable et infériorisée, et l'autre masculine, confiante, indépendante, téméraire, voire agressive et risque tout. Il en résulte certainement un caractère cyclotimique, mais il peut vivre aussi à la hauteur de son maître nombre 11, dont la force est une des caractéristiques, ce qui ne manquera pas de lui conférer un certain ascendant sur autrui. Dicton du jour, à la Saint-Edmond, le temps n'est pas bon. Le 20 novembre, brumeux, hiver rigoureux. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de l'enfant, c'est la journée de l'industrialisation de l'Afrique et au Royaume-Uni, c'est la date anniversaire du mariage de la reine Elisabeth II. Ça s'est passé un 20 novembre, en 1917, c'était la proclamation de la République populaire ukrainienne. En 1947 avait lieu le mariage d'Elisabeth d'Angleterre et de Philip Mountbatten. 1959, proclamation de la Déclaration des droits de l'enfant. Et en 1989, adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Allez, nous allons tout de suite marquer une première pause musicale avec le groupe Eagles et leur titre Take It Easy. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. So take it easy. Le groupe Eagles sur RGM, un peu plus de 8h36, je peux même dire presque 8h37. Et il est temps pour nous de parler anniversaire. Ils sont nés un 20 novembre 1943. Naissance de Veronica Hamel, actrice américaine, vue dans la série télé New York 911 dans le rôle de Bess Taylor. Ou encore Lost, les disparus dans le rôle de Margot Shepard. 1947, naissance de Joe Walsh, chanteur, compositeur, guitariste américain du groupe Eagles. 1948, naissance de Barbara Hendricks, célèbre soprano américaine. 1954, naissance de Gervais Martel, homme d'affaires français, président du club de foot, président du Racing Club de Lens de août 88 à juillet 2012 et de juillet 2013 à septembre 2017. 1959, naissance de Sean Young, actrice américaine, connue pour son rôle de Raquel dans le film Blade Runner. 1961, naissance de Larry Karaszewski, scénariste américain des films Ed Wood, Man on the Moon ou encore Percy Jackson, La mère des monstres. 1963, naissance de Ming-Na Wen, actrice sino-américaine, vue dans la série télé Urgence dans le rôle du docteur Jing Mei Chen, Stargate Universe dans le rôle de Camille Vray, Marvel Les agents du SHIELD dans le rôle de l'agent Melinda May. 1971, naissance de Joel McHale, acteur américain connu pour son rôle de Jeff Winger dans la série télé Community. 1973, naissance d'Angelica Bridges, actrice américaine connue pour son rôle de Taylor Walsh dans la série télé Alerte à Malibu. 1975, naissance de Joshua Gomez, acteur américain connu pour son rôle de Morgan Grimes dans la série télé Chuck, vu également dans Castle, Scorpion ou encore Lucifer. 1976, naissance de Laura Harris, actrice canadienne connue pour son rôle de Mary Warner dans 24 heures chrono ou encore Daisy Adder dans Dead Like Me. 1986, naissance d'Ashley Fink, actrice américaine connue pour son rôle de Lauren Zeiss dans la série télé Glee. 1988, naissance de Max Pacioretty, hockeyeur américain professionnel depuis 2006, qui de 2006 à 2018 a joué pour l'équipe de NHL des Canadiens de Montréal et depuis cette saison, il joue pour les Golden Knights de Vegas. Et en 2006, décédé Robert Altman, réalisateur américain des films MASH, Nashville, Buffalo Bill et les Indiens ou encore Prêt à porter. Allez, on va tout de suite écouter Barbara Hendricks avec son Ave Maria. Oh, voilà, c'était Barbara Hendricks avec l'Ave Maria sur le 107FM. Il est un peu plus de 8h42 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors, ce matin, il y avait un petit peu d'éclaircies, mais les nuages ont vite repris le dessus. Et ce sera comme ça pour toute la journée, avec de la pluie et voire de la neige attendue pour aujourd'hui. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 3 et 4 degrés pour cet après-midi. Mercredi sera une journée nuageuse, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 3 et 4 degrés l'après-midi. Jeudi marquera le retour des éclaircies avec des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin et entre 6 et 7 degrés prévus jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler football avec la Ligue des Nations. Et hier, le Pays-Bas a décroché le match nul de partout en Allemagne dans les dernières minutes de jeu. Et grâce à ce match nul, eh bien, les Pays-Bas sont qualifiés pour le Final Four de cette Ligue des Nations. La France termine donc deuxième de son groupe et peut se mordre les doigts. Mais la France aura à cœur de bien terminer cette année 2018, hein, qui a été quand même magique avec ce deuxième titre de champion du monde, puisque ce soir c'est le dernier match de l'année. Il a lieu en France, c'est un match amical certes, c'est contre l'Uruguay. Et la composition probable de cette équipe de France, ce sera Lloris, Pavard, Rami, Sako, Mendy, Mbappé, Kanté, Ndombele, Matuidi, Griezmann et Olivier Giroud. Voilà donc pour cette composition pour ce dernier match de l'année 2018. On passe maintenant au basket en Leaders Cup, demi-finale retour hier soir à Nancy. Et malheureusement, les Nancyens se sont inclinés face à Rouen 59-75. Et il n'y aura donc pas de finale pour le SLUC Nancy. En NBA, cette nuit, l'équipe de Charlotte s'est imposée 117-112 face à l'équipe de Boston. Yabusele n'a pas joué pour Boston. Et côté Charlotte, 9 points pour Nicolas Batum, 7 pour Tony Parker. L'Utah Jazz de Rudy Gobert a 12 points et 11 rebonds, s'est incliné face à l'Indiana 121-94. Et enfin, l'équipe d'Oklahoma de Lou Okabaro à 11 points s'est inclinée face à Sacramento 117-113. Et on termine avec une info rugby pour France-Fidji de ce samedi. Eh bien, la France sera privée de Maxime Médard, qui sera donc forfait, victime d'une commotion cérébrale contre l'Argentine dans les premières minutes de jeu. Eh bien, voilà, il sera donc forfait pour le match de samedi. Et il ne sera pas remplacé au sein du 15 de France. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale qui va nous donner envie de partir en vacances sur les plages de sable fin, la mer turquoise. DJ Assad, Ala Ramanesoum et Willy William. Yeah. bam bam. Après les vers au tam tam, tam tam, comme fini bam bam. Après les vers au tam tam. Hey hey hey hey hey. Mets devant, se l'écho derrière. Les tunis, les tunis. Il met son corps devant, mais son corps derrière. Les tunis, les tunis. Mets son écho devant, se l'écho derrière. Les tunis, les tunis. Il met son corps devant, mais son corps derrière. Les tunis, les tunis. Laisse la mélange. Ça nous a envie de partir en vacances. Les tournées DJ Sadala Ramanisum et Willy William sur RGM. Presque 8h50 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. À 16h, ce sera la rediffusion de Débat Déo. 18h, l'heure des loups avec loups consacrée à Pat Anime. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'ai mes jeux. Je vous le lis avec Dominique et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.